Depuis son arrivée à ce lac, le Victoria avait rencontré un courant qui s'inclinait plus à l'ouest. Le docteur, un peu fâché d'abord de cette direction, ne pensa plus à s'en plaindre quand il aperçut la ville de Kuka, la célèbre capitale du Borno. Peu après, le Victoria est assailli par un vol de jipaètes. Les oiseaux s'élevèrent au-dessus du Victoria. Malgré son énergie et son impassibilité, le docteur devint pâle. Il eut un moment de silence, effrayant. Puis, un déchirement strident se fit entendre, comme celui de la soie qu'on arrache, et la nacelle manqua sous les pieds des trois voyageurs. « Nous sommes perdus !» s'écria Ferguson, en portant les yeux sur le baromètre qui montait avec rapidité. Puis il ajouta « Dehors, le lest! Dehors !» En quelques secondes, tous les fragments de quartz avaient disparu. « Nous tombons toujours! Videz les caisses à eau! Joe, entends-tu? Nous sommes précipités dans le lac !» Joe obéit. Le docteur se pencha. Le lac semblait venir à lui comme une marée montante. Les objets grossissaient à vue d'œil. La nacelle n'était pas à 200 pieds de la surface du lac. « Les provisions! Les provisions !» s'écria le docteur. Et la caisse qui les renfermait fut jetée dans l'espace. La chute devint moins rapide, mais les malheureux tombaient toujours. « Jetez, jetez encore !» s'écria une dernière fois le docteur. « Il n'y a plus rien, » dit Kennedy. « Si !» répondit laconiquement Joe, en se signant d'une main rapide. Et il disparut par-dessus le bord de la nacelle. « Joe, Joe !» fit le docteur terrifié. Mais Joe ne pouvait plus l'entendre. Le Victoria, délesté, reprenait sa marche ascensionnelle, remontait à 1000 pieds dans les airs, et le vent, s'engouffrant dans l'enveloppe dégonflée, l'entraînait vers les côtes septentrionales du lac. « Perdu !» dit le chasseur, avec un jet de désespoir. « Perdu pour nous sauver !» répondit Ferguson. Et ces hommes si intrépides sentirent de grosses larmes couler de leurs yeux. Ils se penchèrent en cherchant à distinguer quelques traces du malheureux Joe, mais ils étaient déjà loin. « Quel parti prendre ?» demanda Kennedy. « Descendre à terre dès que ce sera possible, Dick, et puis attendre. » Après une marche de 60 milles, le Victoria s'abattit sur une côte déserte au nord du lac. Les ancres s'accrochèrent dans un arbre peu élevé et le chasseur les assujettit fortement. La nuit vint, mais ni Ferguson ni Kennedy ne purent trouver un instant de sommeil.